l'archange Samuel, l'ange de l'amour et des relations. Découvrez la puissance de l'amour divin et de la compassion avec l'archange Samuel. Qui est l'archange Samuel? L'archange Samuel, dont le nom signifie « celui qui voit Dieu » ou « celui qui cherche Dieu », est connu comme l'ange de l'amour pur, de la compassion et des relations harmonieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, Samuel est associé à la couleur rose, symbolisant l'amour inconditionnel et la tendresse. Samuel est souvent invoqué pour apporter l'harmonie dans les relations, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales. Il aide également à développer l'amour de soi, la compassion envers les autres et à trouver sa véritable vocation dans la vie. Son énergie est douce mais puissante, apportant réconfort et guérison émotionnelle à ceux qui le sollicitent. Les rôles et attributs de l'archange Samuel. Gardien de l'amour divin, Samuel aide à ouvrir le cœur à l'amour inconditionnel. Harmonisateur des relations, il apporte paix et compréhension dans les interactions humaines. Guide vers l'âme sœur, Samuel peut aider à trouver ou à renforcer les relations amoureuses. Guérisseur émotionnel, il aide à surmonter les blessures du cœur et à restaurer l'équilibre émotionnel. Inspirateur de la compassion, Samuel encourage l'empathie et la bonté envers soi-même et les autres. Révélateur de la vocation de vie, il aide à découvrir et à poursuivre sa mission de vie avec amour. Comment invoquer l'archange Samuel? Pour invoquer la présence aimante de l'archange Samuel, vous pouvez utiliser la prière, la méditation ou simplement lui parler avec votre cœur. Voici une prière simple que vous pouvez adapter. Archange Samuel, messager de l'amour divin, je fais appel à votre présence bienveillante. Enveloppez-moi de votre lumière rose d'amour et de compassion. Aidez-moi à ouvrir mon cœur, à guérir mes blessures émotionnelles et à cultiver des relations harmonieuses. Guidez-moi vers l'amour véritable et aidez-moi à reconnaître ma valeur divine. Je vous remercie pour votre amour inconditionnel et votre soutien constant. Amen. Souvenez-vous que l'intention sincère de votre cœur est plus importante que les mots exacts utilisés. Signe de la présence de l'archange Samuel. Voici quelques signes qui peuvent indiquer la présence ou l'influence de l'archange Samuel dans votre vie. Une sensation de chaleur ou de douceur dans la région du cœur. La vue de lumière ou d'étincelles roses. Un sentiment soudain d'amour et de compassion envers soi-même ou les autres. Des rencontres, fortuites, qui mènent à des relations significatives. Une résolution inattendue de conflits relationnels. Des insights profonds sur l'amour et les relations. Un sentiment accru de paix intérieure et d'harmonie. Conclusion. L'archange Samuel, dans son rôle de messager de l'amour divin, nous rappelle que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. En nous connectant à son énergie, nous pouvons apprendre à cultiver l'amour inconditionnel, à guérir nos blessures émotionnelles et à créer des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Que vous cherchiez à améliorer vos relations existantes, à trouver l'amour, ou simplement à développer plus de compassion envers vous-même et les autres, l'archange Samuel est là pour vous guider et vous soutenir avec son amour infini. N'oubliez pas que le véritable amour commence par soi-même, et que l'énergie de Samuel peut vous aider à reconnaître et à honorer votre propre valeur divine. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour notre prochain article, Jophiel, l'archange de la beauté et de la sagesse.